crois qu'il y a trop de BP. J'essaye de voter, mais il y a un petit retard chez moi. D'accord, j'ai compris. Ouais, c'est ça, c'est passé. Je me fous. couleur de sentiment. Petit matin et il s'enfuit. Je parie sur les amants. Quand vient le printemps à Paris, les maris sont moins marrants et te menottent. Quand vient le printemps à Paris.